16h, 20h, la dernière ligne droite sur EFM. Avec Stéphane et Régis. Mesdames, Messieurs, on va pouvoir l'accueillir chaleureusement, cette grande chanteuse. Elle sera en concert demain soir en Essonne. On rappelle que ce sera à Itteville, à l'espace culturel Georges Brassens. Concert prévu à 21h. Et c'est Tina Arena qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Tina. Bonsoir Stéphane, bonsoir Régis, comment ça va? Et vous-même, comment ça va Tina? Écoute, pas mal pour une ville qui est en guerre. c'est un peu ça, ouais. C'est un peu difficile, effectivement. Alors, chanteuse, pianiste, danseuse, vous touchez un petit peu à tout. Tina Arena, vous écrivez également depuis quelque temps en français en plus. Pourquoi avoir choisi d'écrire en français? Parce que c'est quand même un sacré défi. C'est pas une langue très facile à apprendre, le français, Tina Arena. Bah oui, pas du tout. Bah écoute, j'ai toujours préféré, comment je peux dire, je suis quelqu'un qui est toujours attiré par les challenges en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à réveiller et curieuse. C'est quelque chose que je fais depuis très très jeune. Alors c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mes choix et c'est ça. Apprendre le français, ça a été bien un de vos challenges en fait finalement. Oui, absolument. C'est quelque chose que m'a toujours séduit. Et c'est une langue vachement intéressante, très élégante, très complexe. C'est gentil. Et je pense que j'ai eu la chance d'apprendre ça aussi, d'avoir la possibilité de parler trois langues, c'est pas mal. Oui, parce que vous parlez français, italien et anglais. Hein. Tout à fait. Alors Tina, vous avez commencé très jeune votre carrière en Australie à l'âge de 7 ans, grâce notamment à la troupe de l'émission de variété musicale Young Talent Times. Vous chantiez chaque week-end devant des millions de téléspectateurs. D'ailleurs à l'époque on vous surnommait Tiny Tina. Alors quelques 7 millions d'albums vendus plus tard, quel regard portez-vous sur votre carrière? Quel regard j'ai. Écoute, je suis quelque chose qui me rend super fière. Ça m'a pris le temps d'arriver à cette place-là, mais c'est une vie très très colorée, une vie très variée, avec beaucoup des hauts, beaucoup des bas. C'est un parcours super riche dans tous les sens, je pense. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Alors c'est pas un quoi à porter, c'est quelque chose que j'ai tout à fait choisi en fait. Alors ça y est, l'automne est là, c'est l'occasion pour vous de réaliser votre dernier concert. On rappelle que ce sera demain soir à 21h à Itteville au centre culturel Georges Brassens. Concert qui va marquer la fin de votre tournée, le Best et le Meilleur, qui dure depuis 2 ans. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette nouvelle rencontre avec votre public, Tina Arena. Ben écoutez, c'est quelque chose que j'ai eu toujours envie de faire et à cause de plein de choses, c'est jamais facile à dire pourquoi j'ai jamais vraiment tourné avant. Je crois que j'étais toujours bloquée par rapport à la promotion des disques en permanence. Oui, c'est vrai. Et ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai décidé de partir de ma maison de disques pour plusieurs raisons. Je crois la chose qui a vraiment précipité la décision, c'était parce que je me suis pas sentie vraiment bien à ce moment-là de seulement faire la promotion. C'était pas mon métier. Mon métier, c'est de chanter, de créer des spectacles, de créer des événements et des soirées. Et vous le faites très bien en plus. Intime, et de rencontrer mon public enfin. Après 13 ans de faire le tour du monde en France et en Belgique, en pas mal de pays en Europe, j'ai décidé de vraiment concentrer sur mon spectacle. Et en fait, j'ai eu la possibilité de le faire. J'ai eu aussi des très très bons moments et j'ai passé des très bons moments à rencontrer mon public. Et en fait, c'est grâce à eux que je fais qu'est-ce que je fais, parce que sans le soutien d'un public, t'as rien en fait. Et vous le faites à la fin de la journée. Et vous le faites très bien, puisque vous nous faites rêver à chaque fois. Et justement, on le dit, ça fait 2 ans que vous êtes en tournée et vous n'avez pas laissé votre cœur de côté, puisque parallèlement, vous avez enchaîné les concerts au profit d'associations. Vous faites également partie de la troupe des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Alors dites-nous, où est-ce que vous puisez toute cette énergie? Et en plus, comme on le disait, parallèlement à ça, eh bien, vous assurez les promotions. Alors émotionnellement et physiquement, comment on vit ça? Écoute, c'est pas toujours rigolo. Et je crois que la manière que nous vit est en fait imprimée littéralement sur les magazines, les journaux, la télévision. C'est pas tout à fait toujours rigolo. C'est beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de sacrifices et des fois sans rien en retour. Je m'implique et je m'engage à les choses qui me concernent, en fait. Et j'étais toujours comme ça depuis très, très jeune. Je travaille pour les associations en Australie depuis ma jeunesse, pour les enfants, les enfants malades, pas mal de associations. Et c'est quelque chose qui me plaît, en fait. Et pour moi, mon travail, c'est de donner, parce que je reçois tellement. Alors pour moi, c'est assez évident de donner quand je peux. Et voilà, et je trouve que le métier créatif, artistique en France, c'est une communauté super généreuse. Je ne sais pas si les Français se rendent compte de ça, mais sinon, je vous le confirme, c'est une communauté extraordinaire. Vraiment, vraiment généreuse. Super généreuse. Et les gens, moi je connais pas des gens qui feraient ça, hein, qui donneraient 9 jours de la personne sans rien, sauf à donner, ramasser l'argent pour donner à manger les gens, les enfants malades, tout ça, c'est quelque chose qui nous nourrit aussi en même temps. Et rien en tout cas, ça, on peut vous dire merci, Tina. En tout cas, vos propos sont vraiment très très touchants, Tina Arena. Alors, on le disait tout à l'heure, vous avez beaucoup écrit, notamment pour toi, cette belle chanson, une chanson chantée par Jennifer. Est-ce que vous continuez à écrire pour d'autres personnes? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous fascine, pour qui vous aimeriez écrire? Je ne suis pas quelqu'un qui en fait qui s'assoit forcément pour écrire pour les autres, parce que je ne suis pas assez confiante en mon travail pour dire oh oui je suis un auteur pour quelqu'un d'autre. J'ai un catalogue de chansons, mes éditions qui datent déjà 20 ans. J'ai un catalogue assez vaste, et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de artistes américaines qui ont interprété mes chansons, et je trouve ça un très très grand compliment. Jennifer en particulier aussi, je trouvais qu'elle a fait un très très très bon boulot, une très belle interprétation d'une chanson qui était écrite originalement en anglais et qui était adaptée par l'auteur Marc Levy. Et c'est pas quelque chose qui je fais forcément pour les autres, mais s'il y a quelque chose dans mon catalogue qui les artistes tombent et qu'ils entendent, et peut-être c'est une chanson de moi que j'avais écrit ou co-écrit, je suis toujours fière de la passer, parce que pour moi c'est comme un enfant, hein, j'aime pas que les chansons voient pas la lumière. Bien sûr. Si on peut dire. Alors c'est toujours un plaisir. Je suis en train à ce moment d'écrire mon prochain disque en anglais qui ça se passe tout super bien. Oui, justement, on allait vous poser la question, puisqu'on allait revenir un petit peu sur vous, puisqu'en 2009, on vous a connu du grand public français grâce à ce duo avec Marc Anthony. C'était la bande originale du film Le Masque de Zorro, titre avec lequel, justement, je vous le disais, on vous a connu en France, mais aussi avec des classiques comme Aimer jusqu'à l'impossible, Aller plus haut. Alors justement, on veut savoir s'il y aura un nouvel album. Vous parliez d'un album en anglais. C'est prévu pour quand? Tout à fait. Tout à fait, parce que je suis en pleine préparation à ce moment avec ce disque en anglais, parce que ça fait déjà une bonne 6-7 ans que je fais pas, j'enregistre pas vraiment en anglais avec des titres originaux. Alors j'ai pris le temps cette année de me concentrer sur ça. Alors pour avoir une sortie en 2011. Et j'ai vraiment hâte de ça. Parce eh bien, on est tous pressés en tout cas. Merci, c'est super sympa. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et j'ai envie aussi de retourner dans ma langue maternelle pour des raisons évidentes. parce que c'est l'heure, parce que ça fait pas mal d'années que je tourne dans la langue française. Et maintenant, je vois une vraie vague des Français qui ont une vraie envie de chanter en anglais, que je trouve vachement rigolo. Et c'est sympa, en fait, parce que c'est pas grâce à moi, mais c'est si je suis quelqu'un qui a inspiré à les autres pour prendre des challenges et de se appliquer, de faire quelque chose qui n'est pas l'habituel. Je trouve ça extraordinaire. Alors, avec 8 albums en anglais, 2 en français, 3 compilations, 3 albums live, ça fait énorme. Tout ça, ça représente plus de 7 millions d'albums vendus à travers le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Tina Arena ? Écoute, de continuer d'être en bonne santé. C'est vrai, c'est important. Mais on le souhaite aussi, ça. C'est vrai. Et écoute, moi, je continuerai à faire mon travail dès que je le continue à faire si ça me plaît. Je ne suis pas quelqu'un qui a la capacité de vivre dans le automatic pilot ou de faire quelque chose juste pour s'offrir à une marché ou le fait que je suis quelqu'un qui a un nom. Bien sûr. Moi, je travaille avec mon cœur et dès que mon c'est le cœur qui reste, parle. Ouais. Voilà, je vais continuer à faire ça. La journée où la lumière va s'éteindre sera le jour où je fermerai le rideau. Mais à ce moment, j'ai toujours l'envie de expérimenter et de toujours penser et de faire les choses un tout petit peu hors de la boîte. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de prendre des risques. Et ça, j'ai toujours envie à le faire. Alors, je pense que vous me verrez à faire ça, à continuer à faire ça. Bon, en tout cas, on espère que vous allez continuer très très longtemps, c'est si joliment dit. Tina Arena, merci de nous avoir laissé quelques minutes en votre compagnie. Écoute, merci à vous et merci pour votre gentillesse aussi. Merci beaucoup Tina Arena, on rappelle que vous serez en concert demain soir en Essonne, pas loin de chez nous d'ailleurs, pas loin des studios de FM. On viendra vous faire un petit coucou. Voilà, ça sera Itteville. Ça sera Itteville au Centre Culturel Georges Brassens. Bien sûr, avec plaisir. On fait une grosse bise Tina Arena. Je te fais un gros bise et je te dis à bientôt et un bonne soirée à tous les gens qui écoutent ce soir à la radio. Merci Tina Arena, merci et félicitations pour votre français qui est magnifique. Et puis bon anniversaire avec un petit peu d'avance, c'est bientôt votre anniversaire, c'est le 1er novembre je crois. Thank you, oui tout à fait, le 1er novembre. Et c'est bientôt celui de votre petit bout aussi. Oui, le 17 novembre, on est tous des scorpions. Voilà. Ah, vive les scorpions alors. Et bien bon anniversaire avec un petit peu d'avance alors. Des bisous à toute la famille. Thank you, c'est merci c'est Tina Arena. Merci à et à demain soir 21h au Centre Culturel Georges Brassens. C'est à Itteville pour le concert de Tina Arena. On va revenir dans un instant avec The Tinting sur EFM Hands. Elle était charmante Tina Arena. Elle était très très gentille et on lui fait plein de gros bisous. Évidemment. The Tinting avant 18h sur EFM et puis le top 5 des stations de service qui fonctionnent encore. A tout de suite sur EFM. Dans quelques secondes, retour sur EFM, du meilleur de l'Essonne et de la musique Itten Gold.